Section 95 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 95, Mars au champ, par Gaspard de Cherville, chapitre 2, Premier beau jour. Le printemps commence à s'affirmer sur toute la ligne. Les feuilles se sont dégagées de leurs enveloppes, les buissons du bas-fond, aussi bien que les massifs du jardin, se sont glacés de vert tendre, bien vague, bien incertain, mais qui n'en représente pas moins le retour de la vie végétale. Sur le coteau, les bois ont gardé la livrée de l'hiver, cependant ça et là les brindilles des ormes, qui se sont chargées de fleurettes d'un pourpre foncé, quelques bouquets de merisiers, de cerisiers sauvages, dont les branches ont disparu sous la neige de fleurs qui les couvrent, égayent singulièrement ces masses encore sombres et mornes, en leur donnant un exemple qu'elles ne tarderont plus à suivre. De son côté, la prairie, en même temps qu'elle accentuait la nuance d'émeraude de son tapis, s'est constellée des ombelles jaunes de primevère, Primula veris, la véritable fleur du renouveau, et la joie des enfants de nos campagnes, qu'il appelle « coucou », peut-être parce que son apparition coïncide avec le retour de cet autre messager du printemps. Ne cherchez pas l'ombre de poésie dans ce penchant de notre jeunesse pour l'aimable primevère des prairies. Elle ne songe pas le moins du monde à se parer symboliquement de ses prémices printanières, mais on peut fabriquer des balles avec ces fleurs en reliant leur calice tubulaire à l'aide d'un bout de ficelle. Saviez-vous cela? C'est surtout pour se livrer à cette petite industrie que nos bambins des deux sexes recherchent les coucous avec tant de passion. Cette fois, il y a tout lieu de croire que nous en avons fini avec l'hiver. La sève, un instant refoulée, s'est remise au travail avec un redoublement d'ardeur, comme un cheval agacé par la pression du mort qui s'emporte aussitôt que son cavalier lui lâche la bride. La plaine verdoie, les bourgeons craquent, se déchirent, et les boutons s'épanouissent en neige du jour au lendemain. La brise s'est attiédie, et les chanteurs de la chambre de Sa Majesté le Roi Printemps ont fini d'accorder leurs instruments. Encore quelques matinées ensoleillées, et le rideau se lèvera sur l'églogue des 7 mois. Ce prélude n'a pas, il est vrai, les magnificences grandioses du dernier acte, mais il y a, pour la nature, bien des façons de nous tenir sous le charme, et toutes sont bonnes. Ce réveil gradué, presque timide, n'a rien qui s'impose à nos admirations. Il n'enivre pas non plus nos sens qui n'éblouit notre vue. Il nous prend par un sentiment doux comme lui, la gaieté. Ce vert fadasse du bourgeonnement, l'horreur des peintres, il est le sourire de la résurrection. Sa contagion vous gagne. En présence de cette nouvelle affirmation du triomphe de la vie sur la mort, on se sent plus alerte et plus dispos, on respire plus largement et plus aisément. On oublie absolument que notre hiver, à nous autres, n'a point, hélas, son renouveau. Fin de la section 95, lue par Sophie France à Veules-les-Roses en décembre 2024.